Dossier 4. Leçon 1. Activité 7. Je me tourne à présent vers Marlène Schiappa, qui est directrice d'une agence de presse, mais aussi fondatrice du blog Maman Travail. Pourquoi ce blog, Marlène ? Eh bien, entre les blogs qui parlaient des mères au foyer et les blogs d'ambitieuses, je ne trouvais aucun espace qui explique comment concilier vie privée et vie professionnelle. J'ai donc voulu nous faire connaître, nous, les mères actives, et pousser les entreprises à prendre en compte nos besoins. De quoi parlez-vous précisément sur ce blog ? De choses comme comment s'habiller au travail, comment passer un entretien d'embauche alors que son enfant hurle dans la pièce d'à côté. Autrement dit, du concret, du vécu, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Mais il faut savoir que je ne tiens jamais de propos politiques. Je fais simplement des propositions. Des crèches dans les entreprises de plus de 1500 salariés, l'augmentation du congé paternité pour une meilleure égalité homme-femme au travail. L'idée serait d'envoyer ces propositions aux ministres concernés. Vous recevez beaucoup de commentaires de la part de vos lectrices ? Énormément ! Mes lectrices échangent des conseils, des bons plans. Elles m'aident aussi à mieux travailler de chez moi. Certaines, des mères directrices de la communication ou des femmes entrepreneuses qui avaient besoin d'un dossier de presse, sont même devenues des clientes. C'est le club des femmes actives, votre blog ? Oui, c'est exactement ça. Vous savez, entre le travail, les enfants, les femmes n'ont plus le temps de se voir entre elles. Alors le blog est un moyen de continuer à parler de leur vie professionnelle, comme on le fait entre amis. Aujourd'hui, 2500 personnes se connectent chaque jour sur mon blog. Bravo pour ce succès, Marlène.